avenir, quel avenir. J'attends que l'océan revienne sur la plage. Je passe mes journées à rêver qu'il se passe quelque chose. Une rafale de vent dans la cime des arbres. Je marque une goutte à la fenêtre, je regarde les ombres. Que le soleil dessine sur l'asphalte. Je passe mes journées à me dire qu'il faudrait que je me tire. Et je passe mes journées à vieillir, à tiédir. À voir ma peau frissonner sous les embruns du temps. Je passe mes journées à compter qu'il n'y a plus personne. À jeter au ciel mes mains qui tordent mon cou. Je passe mes journées à me dire qu'il faudrait que je me retire. Je passe mes journées à vieillir, à froidir. Ah, attends que tu viennes, attends. Je passe mes journées à me dire qu'il faudrait que je me tire. Je passe mes journées à me dire.